Ça m'était tombé dessus parce que j'avais encore besoin de me sentir vivant. Le flot, le rythme, le jaillissement des mots. Trop dangereux. Je viens de commencer, je les vois finir échec et mat. On s'investit, l'exhaleur, la fine équipe au mic. Combien se disent vrai, mais la franchise est discrète. Les réactions diffèrent quand mes sentiments se dispersent. Dès le départ, moi j'ai côtoyé l'Odyssée. La barre est mise très haute, j'ai pas le temps d'être distrait. Hey, je veux devenir un être peace, mec. C'est pas des gros biceps qui mettront KO ma tristesse. Trop modeste pour le show business. Ma vie est en cristal et j'en ai fait ma terre promise. J'arrive à l'improviste et je réapprovisionne. J'improvise lentement, ça sert à rien d'aller trop vite, yo. Chez nous y'a pas de star, pas de faux prodiges. Moi je m'en fous du profit ou d'avoir un bon profil. L'erreur est humaine et mon cœur me corrige. J'aurais tendu la main au lendemain comme les corriges. Dialogue de sourds pour penser muette. Mes textes laissent des mouchoirs qu'on agite au départ des bateaux sous le regard des mouettes. Mon esprit divague sur mon radeau, vacille entre deux vagues comme sous hypnose. Parfois lâche des rimes riches pour voir des huettes. En dehors de la cage, je rêverais de m'y voir enfin. Ma rage est dans mes veines, donc je l'écrirai dans le grimoire sanguin. Le diable me renvoie son image dans le miroir sans teint. J'entends mon texte à la dernière page de l'histoire sans fin. J'ai passé tant de soirées à affûter mes rimes à fond. Mec, les insulter, puis fuler, j'ai défié les flics au 100 mètres. Dans mes moments de doute et de stress, de toute espèce, fou de tristesse. Écrire mes vitres à le crime passionnel. C'est pas le chant qui va nous nourrir, c'est la culture. J'attends le moment de mourir dans un murmure, voir fleurir ma sépulture. Et le crayon de Dieu lui-même n'est pas sans gomme. On peut tromper une fois une personne, mais pas sans homme. Si je gratte, c'est que je grave la vie, les rimes se mélangent. Si je rappe, c'est que si je gratte, c'est que le pic me démange. Préviens la mairie, ce serait hardcore que Jeff rentre. J'écris, j'évite la dérive. Alors je jette l'encre, noyé de lyrics explicites. Et c'est ce qui saigne, la plume rare comme MC qui sait ce qui signe. Le vice me marmonne, encore des mots que je connais. Y'a que le pédo que je tolère et je marronne ma colère. La daronne, les collègues sans parole. Oui je gratte, je rêve d'esquive l'usine. Mais pas l'eau, cheat gras. Saloperie de wack, trace gare au vide. Ouah t'es pas Obi-Wan, ni le quart d'une parodie de wam. Balance la résine, une zik agressive. Chaud, la face précise, mais si je la tire par les tifs. J'suis chaud, j'trappe à ma rancune, c'est pas une XUMP. J'ai bien qu'on ouvre pas le coffre avec une clé USB. Une glorious bastard, big up si tu restes vrai. On gratte et on se donne pas d'Oscar, on se donne du respect. Jeff Le Nerf gros, c'est pour mes rap all-star. Gola le shit click, Grenoble 38 district.